Par principe, les éclipses lunaires et les éclipses solaires représentent en astrologie des occasions de purge, une sorte de ménage, de nettoyage qui se fait sur des aspects de l'âme. On comprend que quand on parle nettoyage, on parle d'enlever quelque chose. En général, ça s'attaque à des systèmes de valeurs qui sont surchargés dans le sens que la personne n'est plus en mesure de contenir ou n'a plus simplement besoin des différents artifices d'impression que l'âme peut lui fournir pour des occasions d'expérience. Et on doit, comme on dit, jeter l'emballage à la poubelle, on doit jeter les illusions et les attentes qui sont souvent retenues par l'ego, de telle façon à ce qu'il soit éliminé de notre système de pensée. Il est facile ici de comprendre qu'une personne qui vit un besoin et qui, dans son besoin, cherche à se créer un échange, un point de contact avec un environnement pour assumer, régler son besoin, a, pendant une certaine période de temps, à créer des conditions, à architecturer une stratégie ou à avoir un comportement affectif quelconque qui va solliciter son environnement et souvent des personnes ciblées pour pouvoir atteindre la résultante de son attente, c'est-à-dire la capacité de répondre à son besoin, voire même dans certaines occasions, répondre à ses désirs. À cela, évidemment, il faut comprendre que cette stratégie ou cette structure a un temps limite, qu'elle a une date d'échéance, une date d'expiration. Et les éclipses se chargent de faire mettre en relief ces dates d'expiration, ces comportements qui sont des fois un petit peu obsessifs ou extrêmement tenaces à vouloir maintenir une expérience qui dure souvent trop longtemps et qui demande à un certain moment donné d'être mis de côté, échangé pour un nouveau comportement, une nouvelle attitude de vie, une nouvelle stratégie pour atteindre le dit objectif. C'est une occasion de faire l'étude des erreurs qu'on a commises dans le passé. C'est une occasion de réévaluer les structures dans lesquelles on s'est impliqué en groupe ou individuellement. Et c'est une occasion également de saisir ce qui ne va pas ou ce qui ne veut pas aller dans notre perspective d'avenir. Tout le monde est marqué par une programmation, mais il y a des gens souvent qui essaient d'échapper à cette programmation. Et évidemment, la volonté que l'on a d'échapper à cette programmation est fondée souvent sur un refus d'accepter des conditions de vie qui sont souvent difficiles ou pénibles pour se défaire de lignes de pensée ou de lignes de conduite. On s'attache à nos vieilles chaussettes et on s'attache à nos vieilles pensées. On s'attache même à des souffrances qu'on connaît bien. Et les éclipses, autant solaires que lunaires, vont ni plus ni moins que donner une occasion à la personne de faire le ménage, d'éliminer ces comportements qui sont trop attachés à un passé, trop attachés à un système de valeurs. Quand on parle d'une éclipse lunaire, on se réfère à tout ce qui touche la sensibilité, le sentiment, l'amour, l'amour dans le sens de l'âme. Et on comprend que lorsqu'il y a une purge dans ce secteur, il s'agit d'une sorte de détachement qui doit s'installer dans des registres affectifs qui ont des tendances très obsessionnelles. qui ont des tendances à créer des niveaux d'attache qui empêchent l'individu de se développer ou d'évoluer dans un environnement autre que son passé. Une personne qui se vit dans un attachement pour quelqu'un, que ce soit ses parents, ses enfants, que ce soit un couple, que ce soit même des proches, des amis ou des possibilités éventuelles de relations affectives avec d'autres, est souvent liée à des attentes très profondes sur un système de valeurs qui justifie ces attentes, avec des événements souvent qui ont tendance à confirmer qu'il est dans la bonne voie vis-à-vis de ces formes d'attentes. Et ces attentes deviennent, pour elle, évidemment, pour cette personne-là, deviennent des réalités. Mais ce n'est pas toujours en accordance avec les gens qui l'entourent, avec les gens qui sont, je dirais peut-être pas victimes de son amour ou de son attachement, mais disons qu'ils sont des éléments qui n'ont pas été nécessairement consultés dans le registre d'affectivité que la personne leur vaut. Considérant cet aspect, ben il y a des illusions et il y a inévitablement une sorte de tension dans l'ambiance, dans l'atmosphère, entre la personne qui a des attentes et l'autre qui est l'objet, l'objectif, la motivation de ses attentes. Ça peut être l'autre ou les autres. Comme je vous dis, ça peut être un aspect des fois collectif d'une famille. On s'attend de notre famille à avoir une certaine renommée, reconnaissance, attention, et on ne l'a pas toujours pour toutes sortes de raisons qui sont souvent karmiques, qui sont liées à notre programmation. Mais indépendamment de ces points-là, ce que je veux mettre en relief, c'est que dans une période d'éclipse lunaire, il y a du grand ménage qui se fait dans ce coin-là, à savoir que les illusions qu'on entretient sur ce type d'attente envers des gens ou envers une personne sont confrontées brutalement à la réalité. Et quand on dit brutalement, ben on voit là qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire, que l'ego ne veut pas faire, mais qui, par le fait des événements, se présente avec beaucoup de percussions, avec beaucoup d'impact dans la charge émotionnelle qui est générée, engendrée, dans le but, justement, de répondre à son désir ou à cette fameuse attente. Et que quand cet impact-là se fait, il y a éclatement, il y a cette emprise qui doit se défaire pour permettre aux individus d'avoir une vision plus réelle de ce qu'ils veulent engager dans l'échange. C'est donc dire ici que dans une éclipse lunaire, tout le niveau d'effectivité qui est excessif est remis dans un contexte réaliste. Il est mis dans un contexte où il est nécessaire, dans certains cas, de vivre d'une certaine affection pour des gens, mais pas excessivement au point de limiter leur développement ou leur capacité de prendre leurs propres décisions sur leur orientation émotionnelle et affective. Souvent, l'attente d'un individu, c'est très dictatorial. Les attentes ont tendance à se surimposer à la volonté de l'environnement. Je pense ici aux enfants qu'on ne veut pas laisser et qui ont besoin de prendre une certaine liberté pour pouvoir progresser dans leur propre vie avec les propres obstacles qu'ils ont à traverser. Et quand on ne laisse pas faire sous prétexte qu'on les aime, ben on limite leur champ de structuration de leur vie. On limite leur vie d'une façon affective dans certains cas, en essayant de leur dicter qui ils doivent aimer et qui ils ne doivent pas aimer. Et cette situation-là, ben évidemment, quand je vous le dis, dans les éclipses, c'est dérangé. C'est une zone délinquante dans un sens. Je sais que la femme, en général, est beaucoup plus affectée par les éclipses lunaires et que les hommes sont en général plus affectés par les éclipses solaires. Comme je vous dis, c'est général, mais c'est pas absolu. Là. Dans certains cas, ça peut frapper aussi beaucoup et fortement certains hommes qui se font annoncer, je sais pas, un divorce, exemple, dans une éclipse lunaire, et qu'ils prennent émotionnellement très difficilement. Et on voit que l'évolution d'un individu qui est affecté par les éclipses lunaires, c'est toujours une période de sa vie où il doit se neutraliser, où il doit éviter de laisser s'imprégner de la crise au point d'en devenir déséquilibré sur le plan affectif et déséquilibré sur le plan surtout d'interprétation de sa volonté ou de sa valeur face à l'autre. Quand on dit qu'on veut pour quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on veut pour l'autre, ça veut dire qu'on veut pour soi, pour permettre un échange de se faire. Si l'échange ne se fait pas, ça ne veut pas dire que l'autre ne nous apprécie pas. Il peut nous apprécier dans un registre qu'on ne s'attend pas. Il y a des gens, des fois, qui ont une affectivité ou une affection pour une personne qui n'est pas partagée. Et dans le fait d'un éclipse, ben, quand la réalité apparaît au grand jour, ben, il y a des révélations. Il y a des gens qui finissent par se parler, par se dire réellement ce qu'ils pensent l'un pour l'autre. Et ça ne fait pas toujours l'affaire de l'ego, comme je l'ai mentionné, et ça donne souvent l'impression de vivre un rejet. Sur l'aspect du rejet, ben évidemment, l'éclipse en fait vivre beaucoup, parce que c'est là où on se rend compte qu'on ne contient pas tout. On ne peut pas être contenu par tous non plus, mais on ne contient pas tout le monde non plus. Ce qui veut dire que dans une éclipse, les zones de rejet sont toujours perçues comme une zone de débordement. On a l'impression d'avoir débordé, d'avoir trop aimé, d'avoir été trahi, de ne pas avoir été compris ou comprise. On a l'impression que les autres s'acharnent à nous rendre malheureux ou malheureuses. Mais il faut bien comprendre que dans cette zone d'éclipse, c'est simplement une mise à jour dans un sens de ce qui est possible et pas possible. Et ce qui est pas possible, c'est ce qu'on contient pas. Et ce qui n'est pas contenu immédiatement, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le contenir éventuellement. Mais dans l'étape actuelle, dans le présent des choses, l'effet de l'éclipse fait reconnaître les zones qui ne sont pas en contenance, qui ne sont pas balancées, qui ne sont pas équilibrées. Et ça fait remettre les compteurs à zéro, ce qui est en soi très bien de mon point de vue. Mais quand on vit cette sensation de rejet, on a l'impression d'une injustice cosmique, personnelle, une injustice familiale, une injustice dans le couple, dans l'intimité. Mais cette forme d'injustice est simplement une interprétation de l'ego, de ce que l'autre ne répond pas en termes de nos attentes. Et mêlez pas attente et besoin. Un besoin, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de penser. Une attente, on y pense tout le temps et ce n'est pas toujours un besoin. On peut attendre beaucoup de choses qui n'ont pas aucune utilité dans notre vie autre que de satisfaire un désir. Mais un besoin, on n'a pas vraiment à attendre, puisque en général, un besoin, on s'active pour le réaliser. On s'active pour créer que les conditions puissent s'afficher avec force, avec autorité et avec présence. C'est donc dire ici que quand il passe une éclipse lunaire et que, comme on dit, on fait la mise à jour de vos émotions, la mise à jour de votre sensibilité et que vous découvrez que votre réalité est confrontée à une limitation, prenez ça comme un avantage, prenez ça comme une période de consolidation, une période qui vous permettra de redonner une direction à votre vie et de redonner un équilibre à votre vie à très court terme si vous prenez votre pilule. Si vous êtes capable de dire « Ah, j'ai vécu ça pour ça » et ce n'était pas drôle, mais c'était avantageux en final parce que je vais pouvoir prendre toutes mes énergies, toutes mes ressources et les concentrer sur ce que je contiens et non pas essayer de concentrer ça sur des zones qui m'échappent ou qui me donnent l'impression que c'est possible ou pas possible de vivre. L'évolution de votre vie, c'est une évolution qui est lente. Souvent, l'ego, dans ses attentes, veut accélérer des processus. On a certaines visions intuitive, appelez ça une médiumnité naturelle, pour pouvoir dire, ben moi, je veux m'orienter dans tel secteur dans ma vie et réussir finalement à donner un sens à cette zone de vie. Et là, on se rend compte que, oups, il y a des éléments qui nous échappent. Et ces éléments qui nous échappent, ben c'est des éléments qui doivent éventuellement apparaître dans le registre de nos réalisations. Et on se dit, je peux pas laisser tomber ça, c'est trop vital. Quand vous êtes en amour avec quelqu'un, souvent, c'est pas la personne en soi qui est l'axe de votre recherche. C'est ce qu'elle dégage. C'est cette ambiance émotionnelle et mentale qui est là avec vous. Une attente, on y donne un nom, on l'appelle Georges, on l'appelle Caroline, on l'appelle le nom qu'on voudra, mais c'est pas le nom qui est important. C'est ce que la personne engendre comme événement dans notre vie. Quand vous vous faites vivre une mise à jour, des fois, on est obligé d'éliminer la forme pour que vous soyez apte à toujours aller dans le sens de ce qui se raccorde de vous, donc qui se met en échange avec vous. Et souvent, l'individu qui se raccorde avec vous n'est pas nécessairement adapté à ce que vous voulez, vous, dans l'immédiat. Mais ce qu'elle dégage, vous en avez besoin, et vous pouvez le trouver dans une autre personne, mais à un registre que vous, vous contenez. Souvent, on est impressionné par quelqu'un, et ce quelqu'un nous donne l'impression que c'est un avantage à cohabiter. Et l'avantage, souvent, c'est pas de cohabiter, c'est de côtoyer l'individu, côtoyer la personne de telle façon à ce qu'il soit possible d'aller chercher les éléments d'intégration de notre affectivité, de notre émotivité dans le sens d'une polarité négative ou positive. Quand je dis négative, on parle du découragement, puis positive à l'excès, c'est de l'enthousiasme. Et trouver un point milieu là-dedans, un point centre qui nous donne un équilibre, un bien-être, ben souvent on le trouve avec une autre personne. Seul, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de s'équilibrer seuls. Ils ont besoin d'un autre. Et c'est pas tout le monde qui peut nous équilibrer. Donc, quand on trouve un individu, une personne qui nous équilibre, on a tendance à vouloir se l'approprier. Bravo si vous êtes capable, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de s'approprier cet individu ou cette personne pour arriver à établir une constance dans le quotidien. Ce qui veut dire que peut-être que la personne est représentative d'une condition de vie que vous pouvez trouver soit par vous-même ou avec un groupe d'individus ou avec un climat particulier qui va vous donner l'essence de votre recherche. Dans une éclipse, quand on fait les comptes, comme je l'ai mentionné, quand il y a une mise à jour de notre affectivité, on voit nos manques. Et c'est souffrant de voir notre impuissance. C'est très souffrant de voir que on est déséquilibré facilement par certains types d'événements ou tout simplement par le fait qu'il manque de soleil ou qu'il manque de belles températures ou qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée pour faire ce que l'on veut. Des fois, c'est strictement des ambiances qui nous mettent la batterie à terre. Donc, il faut comprendre que ces ambiances-là, il y a une gestion de votre affectivité qui doit se vivre en partie seule et qui ne doit pas demander continuellement la sollicitation d'un événement par le biais de groupes d'individus ou tout simplement par un individu qui s'occupe systématiquement de tous vos états d'âme pour vous garder en équilibre. Personne n'est responsable à ce point-là de vos états. Donc, c'est sûr que dans une éclipse lunaire, quand ça s'est mis très à vif, très à fleur de peau, ben vous avez besoin de trouver des solutions qui sont rapides, des solutions qui sont capables de neutraliser l'état de la condition d'une façon instantanée. Dans certains cas, le problème est chronique et là, à ce moment-là, c'est un comportement complet qu'il faut changer. Donc, utilisez ces éclipses-là pour mettre en relief votre impuissance et travailler des objectifs de vie personnels pour vous dégager, vous rendre plus autonome devant ces ambiances qui sont percutantes dans votre affectivité. Vous êtes seul, l'éclipse passe et vous vous sentez 10 fois plus seul. Vous étiez seul il y a 2 semaines, ça passait, puis là, ça passe plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes la même personne, les événements n'ont pas vraiment changé. Vous avez ce qu'on pourrait appeler une sorte de cafard, une atmosphère mentale fiévreuse, et subitement, c'est mis en relief par un éclipse d'une façon excessive, aiguë. Et là, tout d'un coup, vous êtes prêt à laisser tomber un gros travail d'intégration, un gros travail d'autonomie que vous avez longtemps et subtilement travaillé afin de pas vivre de dépendance affective. Bravo, vous avez réussi. Et soudain, cette éclipse-là vient faire questionner tout ce travail-là. Pensez pas que c'est final, que vous avez plié les jambes et que vous vous relèverez pas jamais. C'est une phase, c'est une étape. Ça met en relief ce que vous avez pensé régler et qui n'était pas parfaitement réglé. Réglé dans le sens de libérer. Donc, s'il n'y a pas tout de libérer, c'est une occasion pour trouver une autre façon de se libérer. Il y a des individus, c'est sûr, qui vont vous aider à passer à travers le cafard, le coup de cafard, la phase difficile. Mais il reste quand même que là, vous avez identifié pour une phase de 6 mois une zone de faiblesse qui demande à être regardée d'une nouvelle façon. Et ça, évidemment, vous êtes capable. C'est 2 semaines dans votre vie, c'est pas si long que ça. On sait que les éclipses ont un effet de purge, d'élimination d'excédents, d'élimination d'expériences qui ont eu leur cours et qui doivent arrêter de se répéter. Merveilleux. Maintenant, quelles seraient les éclipses solaires dans leur spécificité? On parle d'éclipse solaire comme étant un phénomène de purge dans les structures. Et qu'est-ce que c'est une structure pour chaque individu? Quand vous travaillez dans une entreprise, que l'organisation de l'entreprise s'occupe de vous donner un salaire, une identité sociale, une caractéristique dans le rôle que vous avez à jouer dans la hiérarchie de l'entreprise, vous êtes dans une structure. Vous avez une fonction, vous avez une utilité. Vous avez ce qu'on appelle un service à rendre et une position qui est en fonction de ce que l'entreprise doit exécuter comme mission sociale. Et dans cette mission sociale, vous êtes un élément, un activant de sa progression. Lorsqu'un élément de l'entreprise dans sa fonction sociale ou dans sa mission sociale ne semble plus être performante ou ne semble plus être relativement intéressante pour le public ou la société qui consomme son service ou produit, ben, il y a, comme on dit, des coupures qui doivent se faire. On doit restreindre certains postes, on doit mettre en relief d'autres. Et pour faire cette transition, on a besoin d'éclipser certaines activités pour en mettre d'autres en relief. On appelle ça faire les inventaires, on appelle ça regarder ce qui sert et ce qui ne sert plus. Et il y a des éléments qui sont nécessairement mis au rencard et qui sont mis de côté parce qu'ils n'ont plus de fonction. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus utiles, mais ils n'ont plus leur fonction parce que la mode est passée, parce que le courant politique ou le courant social exige d'autres éléments ou d'autres intervenants. L'éclipse solaire, son travail, c'est justement de faire les inventaires et de garder ou de conserver ce qui est essentiel et d'éliminer les éléments qui ne le sont pas. Dans une éclipse solaire, là c'est sûr que je vous le parle au niveau d'une entreprise, mais dans le cas d'un individu, c'est comme faire le bilan de ses ressources, pas nécessairement par l'individu, mais il y a, on va dire psychiquement, un bilan qui se fait et l'individu se voit obligé d'éliminer par le biais des événements surtout, et non pas par le biais d'une volonté personnelle. C'est important de nuancer cet aspect-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire nécessairement, mais c'est quelque chose qui se fait par le fait des événements, par la programmation, le karma, puis ça comme vous voulez, il y a une destinée là-dedans. Et les éléments qui sont essentiels, fondamentaux à l'évolution de la personne, sont conservés et les autres éléments sont éliminés. Un peu quand on mange et qu'on doit digérer, éventuellement se rendre aux toilettes pour éliminer. Donc l'élimination, de par le biais de l'intestin, est un peu un effet d'éclipse. Donc, quand on parle d'élimination dans les structures sur le plan de l'éclipse solaire, ben, on parle d'une élimination qui est essentielle chez l'individu pour toujours être au maximum de ses capacités ou de sa fonction face à son environnement, en conservant les ressources qui sont essentielles et éliminant les ressources qui ne sont, pour l'instant, pas aptes à être mises en échange. Ça ne veut pas dire qu'il y a élimination intégrale de la ressource qui est éliminée pour l'échange. Elle peut être, comme on dit, tablettée, mise de côté ou reportée à plus tard, mais on sent que l'expérience de l'individu ne sera pas orientée dans cette direction-là. Le point qui s'applique beaucoup dans l'échange de l'évolution d'une année, c'est les rapports avec les proches, avec l'intimité. Souvent, quand on parle de structure pour un individu, c'est ce qui touche sa famille, c'est ce qui touche son intimité, ce qui lui permet d'opérer dans son intimité. Ses rapports de couple, ses rapports avec ce qui lui crée dans son intimité, s'il est célibataire, une certaine forme d'organisation ou d'ordre, ce qui lui permet finalement de se motiver, d'avoir un, comme on dit, un sens à la vie, une direction dans la vie. Ça, c'est des éléments qui sont liés à sa structure personnelle. Et c'est plus là-dessus que je vais axer l'analyse et l'interprétation des éclipses solaires, parce que finalement, en général, les gens sont relativement intéressés à connaître le jeu collectif d'une éclipse, mais ils sont plus intéressés à l'analyse personnelle individuelle des jeux d'éclipse dans leur vie. Donc, si on considère l'éclipse solaire comme une sorte de ménage ou de nettoyage des structures, comme je l'ai mentionné, une des structures principales, c'est les rapports intimes. le couple dans certains cas. Et dans le cas des célibataires, ben, ce qui vous crée vos motivations de vie quand vous êtes seul et dans votre intimité. Ce qui vous permet de vouloir vous lever le matin, d'organiser votre budget, d'organiser des voyages, d'organiser ce qui se passe dans le quotidien, le jour, au jour le jour. Et tous ces éléments qui font que l'individu, finalement, se conserve sain d'esprit et structuré dans sa façon de formuler ses budgets, sa façon de formuler ses projets, sa façon de se rendre intéressant dans l'échange avec ses proches. Ça, c'est sa structure. Il y a des gens qui ont des structures complexes parce qu'ils ont beaucoup d'éléments amicaux qui ont un facteur très affectif dans leur vie et qui circulent fortement dans leur intimité. Donc, à ce moment-là, quand il y a une éclipse solaire, souvent, il y a des, comme on dit, il y a des amis qui sont plus mis en relief pour être conservés et d'autres qui sont délaissés ou qui sont réajustés pour devoir échanger d'une autre façon parce que les centres d'intérêt ont été modifiés au cours des derniers mois. En général, les éclipses se produisent à peu près aux 6 mois. En général, je dis bien, il faut quand même vérifier avec les fichiers que je vous ai donnés, là, les dates de ces mêmes éclipses-là. Et quand on parle de structure, bien évidemment, on parle d'éléments qui permettent à l'individu d'établir des rapports où le phénomène de hiérarchie est bien ciblé, bien situé dans sa vie. Dans une structure, on a des éléments qui sont prioritaires et des éléments qui sont secondaires. Et les éléments secondaires doivent être hiérarchisés pour donner aux priorités la possibilité d'être nourri d'impressions et d'éléments qui vont favoriser la croissance des ressources. Je vous donne un exemple qui est prioritaire, le travail versus les loisirs. Le loisir est en secondaire parce qu'il ne génère pas autre chose qu'une régénération qui peut devenir éventuellement essentielle et qui devient prioritaire au travail en cas d'un burn-out ou en cas d'une crise intense au niveau du travail, style changement d'emploi. Là, à ce moment-là, ce qui est secondaire peut devenir prioritaire. Je parle ici, entre autres, des loisirs qui permettent une zone de régénération. Mais d'une façon générale, on peut considérer le travail comme étant une structure essentielle à l'évolution de l'individu dans une société. Le travail étant son emploi pour le salaire, mais est également une reconnaissance sociale par rapport à des amis ou des gens, donc une certaine, on va dire entre guillemets, célébrité par rapport à son milieu. Donc, son efficacité, sa constance dans le travail va être remarquée. Et quand une éclipse passe là-dedans, ben, elle a tendance à ébranler cette constance, cette célébrité, à ébranler les rapports qu'elle a avec des gens qui sont essentiels ou nécessaires avec sa personne. Et là, à réévaluer sa direction de vie, souvent par rapport à ses zones d'éclipse, pour situer ce qu'elle doit réellement renforcer pour pouvoir continuer à survivre économiquement et matériellement. Les loisirs étant secondaires, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas essentiels. Donc, quand l'éclipse solaire passe également, elle va toucher les zones de régénération. Il y a généralement des gens qui ont de la difficulté dans le sommeil, dans ces périodes-là, qui ont de la difficulté à trouver des solutions à des questionnements qui sont obsédants, obsessifs, qui ont tendance à bousculer dans la réflexion, qui bousculent à l'excès, et la réflexion doit être mise à jour, dans le sens qu'on doit poser aux actes sur les doutes ou sur les crises existentielles qu'on vibre. Et quand je dis il faut passer à l'action, c'est que ces zones de doute ne trouvent généralement pas de solution, autrement que par l'action. Et l'individu doit vraiment percevoir, situer avec précision ce qu'il peut être et faire dans une période, en général, de 2 semaines que l'éclipse dure. Ben, il doit situer avec netteté ce qu'il est capable d'engendrer comme solution devant les questionnements qui se proposent à son mental. Évidemment, dans une éclipse, quand on est attaqué dans les structures, ce n'est pas simplement le travail. Je l'ai dit tout à l'heure, la structure personnelle touche l'intimité. Donc, le couple, mais pas tellement le couple d'un point de vue émotif. Le couple du point de vue de sa fonction dans notre vie. Il y a le couple qu'on vit pour le couple ou pour l'autre, mais il y a principalement le couple qui nous sert à nous à régler notre progression de vie intime, nos motivations, comme je l'ai mentionné. Et quand l'éclipse solaire passe là-dedans, ben, elle ébranle ces fameuses motivations. Elle a tendance à faire regarder les vies en arrière comme étant quelque chose de réellement passé et non pas quelque chose qui se maintient dans un avenir ou qui se maintient sur une lancée. Donc, elle nous fait mettre ce qu'on pourrait appeler un arrêt, une pause, une réflexion sur ce qui doit être revu et re-questionné. Donc, le couple y passe, comme on dit. On y repasse pour simplement voir à quel point le couple avantage notre développement personnel. Et s'il crée un désavantage quelconque, ben, il y a des actes inconscients ou conscients qui sont posés pour corriger le rapport avec l'autre, avec la personne concernée avec nous, que ce soit un homme ou une femme, on voit que là, il y a un besoin de corriger le rapport. Généralement, l'éclipse solaire est plus percutante que l'éclipse lunaire parce qu'elle est plus mentale, elle est plus froide, elle est plus radicale. Tandis que l'éclipse solaire va donner un rapport, disons, explicatif et mental, l'éclipse lunaire, elle, va apporter plutôt une attitude plus affective, plus névrosée, plus à fleur de peau. Tandis que dans l'éclipse solaire, on brasse des structures, on brasse des actions qui ont tendance évidemment à aller vers l'élimination plus que vers la progression. Je dis souvent aux gens dans une éclipse solaire, surtout de ne pas faire d'achats qui sont des éléments de renouveau. Mais tout acte qui est posé pour faire une mise au point, pour porter un jugement qui va éclairer ce qui doit être fait ou ce qui doit être dit ou ce qui doit être proposé, comme je l'ai dit, à nos structures intimes ou à nos structures relativement intimes au niveau social, c'est-à-dire les amis et le milieu de travail. Mais là, à ce moment-là, ces actes-là sont favorables. Tout ce qui permet de faire du ménage, tout ce qui permet, exemple, de décider d'un changement d'emploi, d'une réorientation dans son affectivité, mais je parle au niveau de la structure et non pas de l'émotion comme telle, ben, c'est bon dans une zone d'éclipse solaire. Par contre, il faut bien considérer que c'est une crise. Donc, c'est bon en tenant compte que vous êtes capable de contenir l'état de crise. Je pense à un patron qui doit dire à quelqu'un avec lequel il a travaillé pendant 11 ans qu'il va être mis à pied parce que l'entreprise change de politique et de mode de fonctionnement. C'est jamais drôle d'annoncer à une personne sa mise à pied. Et surtout quand c'est une personne qui a été là depuis longtemps. Mais, comme j'ai mentionné, si l'entreprise exige une restructuration, une zone d'éclipse a tendance à forcer ces éléments-là. Donc, c'est normal. C'est un bon temps pour annoncer une mauvaise nouvelle, dans un sens. Mais c'est pour la personne qui le vit également, c'est un bon temps pour se réorienter. Plutôt que de prendre ça négatif, ben, elle regarde ça comme une occasion de reprendre une autre direction de vie et de s'évader de son passé, de se relâcher d'une perturbation, peut-être même qui s'est passée dans les derniers mois, qui a en cause cette mise à pied. Donc, il faut comprendre aussi que dans une relation de couple, s'il y a une crise et qu'on se dit des choses que ça fait des mois, des années, qu'on ne s'est pas dit, qu'on a retenu comme information, ben, ça va passer également par une crise, mais ça va faire une libération. N'oubliez jamais que la constipation, c'est pas drôle à vivre, mais ça libère quand ça passe. Donc, c'est un peu le principe qu'il faut retenir de l'éclipse solaire. C'est difficile parce que ça s'attaque à des gros morceaux de notre vie, à des étapes crucial et essentiel, mais quand cette transition est faite, eh bien, on est sur une nouvelle lancée. C'est un peu comme une réincarnation ou une nouvelle vie, dans un sens. C'est sûr, comme je l'ai dit, que faut être capable de composer avec la crise. C'est bon d'être entouré de gens qui, dans ces moments-là, sont de bons conseils et ont la tête froide devant les événements, qui ne sont pas émotionnellement perturbés par ce qui se passe avec vous ou pour vous. Souvent la question, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire dans un éclipse et qu'est-ce qu'on peut faire dans un éclipse. Évidemment, ce qui est à éviter en général, c'est d'ajouter de la nouveauté dans notre vie, des expériences qu'on n'a pas connues, qui se présentent à nous de façon neuve ou nouvelle. Ça demande, dans un certain sens, d'attendre que le mouvement de l'éclipse finisse sa purge. Généralement, ce qui est avantageux dans un éclipse, c'est justement de fermer des dossiers, de donner à un passé un terme, à une expérience qui a longtemps ou a influencé fortement une dynamique de vie et qui exige à un certain moment donné de fermer la boucle et de passer à autre chose. Dans cette période d'éclipse, dans cette zone d'éclipse, il est avantageux de trouver toutes les solutions possibles pour fermer une boucle. Tous les achats, j'entends achats qu'on fait dans les centres d'achat, dans les magasins, quoi que ce soit, qui favorisent cette période de purge, sont avantageux. Par contre, tout ce qui implique, comme exemple, un achat d'auto avec une nouvelle expérience de conduite, exemple, quelqu'un qui passerait d'une auto sport à une auto hybride, à deux types d'énergie à consommer, ben là, c'est évident que ça devient une expérience qui peut apparaître initiatique, qui devient facilement expérimentale et difficile à vivre, qui demande beaucoup d'ajustements et beaucoup de crises personnelles. Bon, les gens qui n'ont pas peur de se confronter à des zones de crise n'ont pas à tenir compte de cet avertissement. Mais les gens qui visent la sécurité, qui visent à diminuer les coûts devant une situation à perturbation, ben évidemment, vont essayer d'éviter surtout des achats type électronique ou là où il y a de la technologie, souvent à outrance, pour l'utilisation que la personne en fait. Des fois, c'est pas tant le produit qui est affecté comme l'utilisation. On est dans une expérience qui est neuve, comme je l'ai mentionné, et qui, dans l'utilisation, nous fait voir des manques, des excès qu'on a fait dans la perception qu'on avait du projet. Et cette situation nous implique, comme j'ai dit, une initiation, une expérience qui devient facilement pénible à l'utilisation. Comme la mémoire ou le passé se présente d'une façon intensive, ben l'individu est confronté avec un futur qu'il n'est pas capable d'absorber parce qu'il a, comme on dit, le passé à traiter et à ajuster continuellement. Par contre, toute expérience qui se vit pour régler du passé, que ce soit sur le plan affectif, dans une relation de couple, par exemple, téléphoner à des anciens partenaires, et qui demande à un certain moment donné de vivre les attentes qu'on a pour en faire une purge finale. Je pense ici à des personnes, des femmes ou hommes qui ont eu des relations avec certaines personnes dans le passé et qui, là, visent à mettre un terme à des attentes et qui ont des règlements de compte qui sont en suspens, des règlements de compte psychologiques, financiers, sociaux. Ben ça, l'éclipse favorise cette diminution de tension potentielle devant le phénomène de se libérer d'une attente, se libérer d'une forme de contrat psychologique ou psychique qu'on s'est créé avec une personne. C'est dans ce sens-là que ça devient intéressant et intelligent. Par contre, je mentionne encore, c'est des zones de crise. Une éclipse, ça restera toujours une crise. Quand on dit purge, on ne dit pas que c'est facile, on dit que c'est un état troublant. C'est comme une maladie qui expire constamment son venin, qui expire continuellement son malin, son malaise, son mal. Cette situation-là n'est pas confortable. C'est une purge, donc c'est souffrant. Ça implique une élimination de quelque chose qui est toxine, qui est toxique dans les aspects de la psychologie de la personne, même voire dans son physique. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre l'effet de l'éclipse. J'espère que ça vous éclaire un petit peu pour l'utilisation de ce phénomène. Quand arrive la fin d'une année et le début de l'autre, évidemment, les gens entendent à la télévision, dans les journaux, des rétrospectives annuelles des différents événements. Ils se font également annoncer par le biais de la télévision et de certains gourous les aspects financiers de l'année, les prévisions de l'année suivante, et se voient souvent confrontés à regarder ce que le bilan d'un passé installe ou projette dans un futur quand même relativement immédiat. Très intéressant, très couru les nouvelles, très couru les prévisions, les anticipations. Et on se dit, j'aimerais donc ça pouvoir moi aussi faire des prévisions. Eh bien ici, à travers ce petit fichier de quelques minutes, je vais vous donner une façon relativement simple de devenir, disons, voyant de votre propre vie, de votre façon de traiter avec le passé et l'avenir. Souvent, le bilan d'une année se résume dans les trois derniers jours de l'année, le 29, le 30 et le 31 décembre. Dans ces trois jours-là, on ne revoit pas tous les événements de l'année, mais plutôt les ambiances, les vibrations qui vont se résumer dans ces trois jours et qui vont aussi présenter dans l'individu ce qui n'est pas intégré, ce qui n'est pas ajusté dans son être, qu'il aura à remettre dans son avenir pour justement faire la fameuse intégration, les ajustements nécessaires à ses atmosphères mentales, à ses atmosphères psychiques, à ses climats qui ont soit avantagé ou perturbé sa vie au cours de l'année passée. Vous allez me dire, est-ce que c'est facile de lire ce qui va se produire dans l'année qu'on conserve de l'année passée? Ça dépend toujours de la façon que vous regardez. Moi, personnellement, j'applique beaucoup à lire les ambiances, à lire les événements à travers un état de conscience, et non pas à travers la forme. C'est sûr que si vous attendez de revoir se présenter des formes très, très concrètes, très, très structurées devant vous, ben vous serez déçu. Ça sera effectivement très difficile de lire l'avenir. Mais si vous êtes capable de voir qu'il y a des personnes, des gens qui ont créé en vous des ambiances, des climats psychologiques particuliers, et que ces états reviennent, pas nécessairement les mêmes personnes, pas nécessairement les mêmes événements, pas nécessairement non plus les mêmes formes, mais simplement l'ambiance, le climat, de la nostalgie ou des souvenirs, ou des gens qui vous rappellent ce passé, ben regardez comment vous le vivez, et si vous n'êtes pas neutre, s'il y a en vous une sorte d'ambiguïté sur votre état, ben, vous pouvez considérer que cette polarisation implique une éventuelle remise en tension dans le cours de l'année suivante de ce que vous vivez présentement. Est-ce que ça change? Il y a beaucoup de gens me posent cette question. Est-ce que ça change? Écoutez, plus on est neutre, plus on est capable de dépolariser la condition, l'état mental dans lequel on est, ben plus il est, disons, on va dire, facile de s'ajuster dans l'avenir. Mais quand je dis plus facile, ça ne veut pas dire qu'on élimine l'événement. L'événement se présente et on est capable d'être neutre. On est capable de traiter avec un équilibre suffisant pour passer au travers de l'événement. Personnellement, je ne crois pas qu'on puisse éliminer l'événement. Je crois qu'on peut le traverser, mais pas l'éviter. Ce qui veut dire qu'en soi, vous avez à vous ajuster psychologiquement à la forme, mais vous avez surtout psychiquement à équilibrer vos humeurs, vos états d'âme, vos états émotifs, de telle façon à ce que l'événement ne puisse pas adhérer à de la pensée, à des états de pensée qui viennent, je dirais, obséder ou harceler votre mental au cours de l'avenir. C'est sûr que ça peut paraître subtil pour certains, mais quand on développe une certaine habitude à lire ces climats, ces ambiances, on finit par trouver ça extrêmement concret. Donc, je vous recommande dans un sens de regarder la lecture des trois derniers jours comme étant des climats qui ressortent du passé et qui s'imposent à votre esprit, à votre état d'âme, de telle façon à ce que vous sachiez qu'au cours de la prochaine année, ces ambiances, ces événements se reproduiront pour vous faire passer peut-être un dernier test ou possiblement continuer de se perpétuer encore de longues années, dépendant évidemment de ce que vous vivez par rapport à ces craintes, par rapport à ces peurs, par rapport à ces enthousiasmes ou ces démesures que vous vivez. En général, ce qu'on traîne dans le futur, c'est ce qu'on perd de contenance, c'est ce qu'on a qui nous échappe dans l'expérience de vie. Les trois jours suivants, le 1er, le 2 et le 3 janvier, nous présentent également l'atmosphère dans laquelle se présentera le reste de l'année. Si vous avez un gros rhume, si vous êtes malade, si vous êtes dans une condition physique difficile, considérez pas que vous allez être malade sur toute l'année. Considérez que ce sera un état congestionné, confus, dans l'ensemble de l'année, mais que, dépendant de comment vous traitez émotivement et psychologiquement avec l'événement, ben, il sera possible pour vous de vous débarrasser de l'excès de tension. C'est un peu comme les trois derniers jours de l'année, on traîne un passé, et les trois premiers jours de l'année nous indiquent ce que l'on va avoir à affronter, suivant l'état de chaque personne, à confronter dans la vie. Et c'est sûr que cette condition n'est pas toujours à l'aise, facile à traiter, mais regardez ça non pas comme une fatalité, mais comme un processus de développement. Un processus qui vous permettra de mieux saisir ce que vous êtes réellement dans votre relationnel et de ce que vous êtes capable de neutraliser dans votre culture, dans votre éducation et éventuellement ce que votre mental, votre esprit sera en mesure de libérer ou de trouver une forme quelconque de liberté pour accéder à une croissance dans vos échanges avec les autres. Je dis souvent aux gens, on est né pour créer de l'échange. On est né pour dépasser des peurs. On a besoin, dans nos rapports avec les autres, de relations qui soient dégagées de l'angoisse existentielle et dégagées d'une forme quelconque de culpabilité. C'est donc dire ici que la façon que vous créez vos contrats, vos attentes, vos ententes avec votre milieu impose des lignes de pensée, des lignes de conduite, impose une façon d'être qui demande éventuellement à être appliquée dans le concret, par l'action. Il y a pour des gens une facilité à passer à l'action et il y a pour d'autres personnes une grande difficulté à passer à l'action. On ne peut pas juger de ce qui est facile et de ce qui est difficile, mais chaque être sait ce qu'il a à vivre comme mur, comme censure vis-à-vis des événements. Et passer à l'action, c'est pas toujours une réaction. Passer à l'action, c'est un mouvement de contenance, c'est un mouvement d'équilibre qui doit être regardé, saisi et vu avec intelligence. Il y a beaucoup de gens qui développent une force en étant capables de s'isoler. Mais il y a beaucoup de gens qui s'isolent, qui manquent de force lorsqu'ils sont en relation avec d'autres. Donc, dire ici que la force, c'est une relativité. Parce que si vous êtes fort dans le relationnel et que vous avez peur d'être isolé, vous avez une faiblesse. Et vice-versa. Ce qui donne à dire, évidemment, que dans toutes les situations dans lesquelles vous êtes impliqué, vous devez situer avec exactitude ce que la vie pourra vous mettre dans votre assiette pour confronter vos peurs. Je me présente souvent à dire aux gens que on a l'avenir de nos peurs. On a l'avenir de ce que l'on doit affronter dans nos insécurités personnelles. On rencontre des gens qui ont affronté leurs peurs et qui font vibrer les nôtres. Il faut à ce moment-là prendre une sorte d'école de ces gens, à savoir ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent et comment qu'ils comprennent la vie. Mais il reste quand même qu'on ne peut pas se préparer à travers les pensées et les souvenirs des autres. On a à soi-même savoir ce que l'on sait et ce que l'on contient et ce que l'on transmet aux autres. Une autre phrase célèbre que je m'amuse à dire à des gens, « On vit ce qu'on fait vivre. » Regardez vos trois premiers jours de l'année et regardez ce que vous faites vivre. C'est également ce que vous allez vivre, parce que ce que vous faites vivre les gens auront à vous le retransmettre éventuellement. C'est ça ce qu'on appelle les chocs en retour, les conséquences de nos actes, ou le karma, si vous aimez mieux. En tout cas, bonne année, puisque vous allez certainement écouter ça dans le début de l'année. Nous allons commencer ici par les éclipses de l'année 1997. Les éclipses solaires ont eu lieu le 9 mars et le 1er septembre. Les éclipses lunaires ont eu lieu le 24 mars et le 16 septembre. Nous avons ensuite l'année 1998. Les éclipses solaires ont eu lieu le 26 février et le 22 août. Les éclipses lunaires ont eu lieu le 13 mars, le 8 août et le 6 septembre. Nous allons en 1999. On a les éclipses lunaires le 31 janvier et le 28 juillet. Les éclipses solaires le 16 février et le 11 août. Nous passons maintenant à l'an 2000. Nous avons ici les éclipses solaires le 5 février, le 1er juillet, le 31 juillet et le 25 décembre. Pour les éclipses lunaires, nous avons eu le 21 janvier et le 16 juillet. Pour l'année 2001, les éclipses solaires ont eu lieu le 21 juin et le 14 décembre. Les éclipses lunaires ont eu lieu le 9 janvier, le 5 juillet et le 30 décembre. Pour l'année 2002, les éclipses solaires ont eu lieu le 10 juin et le 4 décembre. Les éclipses lunaires ont eu lieu le 26 mai, le 24 juin et le 20 novembre. Pour l'année 2003, nous avons les éclipses solaires le 31 mai, le 23 novembre, et les éclipses lunaires le 16 mai et le 9 novembre. Pour l'année 2004, les éclipses solaires ont eu lieu le 19 avril, le 14 octobre, et les éclipses lunaires le 4 mai et le 28 octobre. Poursuivons maintenant avec les éclipses de l'année 2005. Les éclipses solaires ont eu lieu le 8 avril et le 3 octobre. Les éclipses lunaires le 24 avril et le 17 octobre. En 2006, les éclipses solaires ont lieu le 29 mars et le 22 septembre. Les éclipses lunaires le 14 mars et le 7 septembre. En l'an 2007, les éclipses solaires ont lieu le 19 mars et le 11 septembre. Les éclipses lunaires ont lieu le 3 mars et le 28 août. Pour l'année 2008, les éclipses solaires ont lieu le 7 février et le 1er août. Les éclipses lunaires le 21 février et le 16 août. En 2009, les éclipses solaires ont lieu le 29 janvier et le 22 juillet. Les éclipses lunaires ont lieu le 9 février, le 7 juillet et le 6 août. En l'an 2010, les éclipses solaires ont lieu le 15 janvier et le 11 juillet. Et les éclipses lunaires ont lieu le 26 juin et le 21 décembre.